opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Vivacité, il est 11h. L'actualité, Marianne Brillaud, bonjour. Bonjour à tous. La criminalité au plus bas en Belgique depuis 15 ans sur base des chiffres de 2015, moins 8% pour les délits criminels. La menace terroriste et la présence plus importante des militaires en rue peuvent en partie expliquer cette diminution. Les plus fortes baisses concernent les vols de véhicules et les vols à la tire, un bémol, le commerce des armes qui bondit, lui, de 50%. En hausse également la fraude sur Internet. Dans le procès de la cellule terroriste de Verviers, cellule démantelée en janvier 2015. On connaîtra le jugement aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le procureur fédéral a réclamé des peines de 10 à 18 ans de prison pour les quatre principaux prévenus. 8 mois après les attentats de Paris, le temps des réponses. La commission d'enquête parlementaire rend ses conclusions aujourd'hui, ses conclusions et ses recommandations. Le rapporteur de la commission dit notamment douter de l'effet de l'état d'urgence en vigueur depuis les attentats du mois de novembre, effet sur la sécurité. La commission d'enquête préconise une réorganisation des services de renseignement français autour d'une agence nationale qui serait placée directement sous l'autorité du Premier ministre. On prescrit de plus en plus d'antibiotiques en Belgique malgré les nombreuses campagnes d'information qui pointent les effets nuisibles d'une utilisation trop intensive de ces médicaments. 10 ans après la première campagne, nous sommes nulle part. C'est un professeur et chercheur de l'UCL qui le dit. Sur base de chiffres de 2013, la Belgique ainsi utilise 3 fois plus d'antibiotiques en médecine générale que les Pays-Bas. L'UCL explique aussi cette consommation abusive par la pression exercée sur les travailleurs qui sont malades. Cyclisme, c'est la plus longue étape du Tour de France. Ce sera la 4e entre Saumur et Limoges. 237 km au programme. Le départ va être donné dans quelques minutes. Le Slovaque Peter Sagan est toujours en jaune. La sonde américaine Juno est en orbite autour de Jupiter. Le vaisseau a été capturé comme prévu par la gravité de la plus grande planète du système solaire. Une manœuvre réussie peu avant 6h ce matin. La météo, encore un peu de patience. Le temps sec, c'est pour cet après-midi et l'été, c'est pour demain après-midi et pour au moins 2 ou 3 jours. Maxima du jour, entre 16 et 20 degrés. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, situation plutôt calme sur nos routes. Oui, calme depuis ce matin. C'est vrai qu'on a quand même quelques petits ralentissements. C'est encore le cas sur le ring de Bruxelles. Au titre Grand Bigard en circulation intérieure, vous perdez une grosse dizaine de minutes, un petit quart d'heure, c'est la même chose. Et puis dans le centre-ville de Bruxelles, vous freinez entre les tunnels Léopold II et Arlois vers le midi encore, ainsi que du tunnel Reyers-Montgomery au tunnel Georges-Henri vers la Cambre et vers Montgomery. Vous n'avez pas été agile à Binche ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Je vous laisse avec Stéphane Piedboeuf pour un air de vacances. Vous avez le tuba, les palmes, le bikini, tout ça. Vous êtes prête à vous installer ? Ce sont les 70 ans du bikini aujourd'hui. Oui, ben voilà, justement. Voyez, hein, c'est un bikini. Eh ben c'est super. On vous retrouve avec votre très joli bikini, Marianne Brillaud, tout à l'heure à midi. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedboeuf. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va ce mardi? Ça y est, il va y avoir du soleil pour quelques jours. Ce sera à partir de demain et ça nous fait bien plaisir de vous inviter sur la plage Vivacité, un air de vacances. On va s'occuper de la musique. On fera un petit détour sur la route du Tour de France, puisqu'après la Manche en Normandie, eh bien, les coureurs sont à présent dans la Loire et on fera le point tout à l'heure avec Pierre Capard. Les people en vacances pour le plaisir nous appelleront Herbert Léonard tout à l'heure et puis Gilbert Montagnier. Ils répondront à nos questions aujourd'hui. On évoquera le beau vélo de Ravel avec Adrien Jovenot. Et puis les tubes de l'été, ça commence dans un instant. Avec, pour commencer, un tube de l'été aussi, finalement. C'est le tube de cette année, Julian Peretta. Un air de vacances sur Vivacité. When the leaves turn brown, I

Et c'est le moment d'écouter vos tubes de l'été préférés. D'ailleurs, si vous voulez voir les clips des chansons que l'on vous passe, eh bien direction le site internet vivacité.be ou encore la page Facebook Vivacité RTBF. Et le premier tube de l'été, il s'agit de Eddie Grant, Gimme Hope Johanna. C'est le tube de l'été 1988. Cette chanson qui dénonce l'apartheid fut numéro 1 en Belgique. Le diminutif Johanna parle de la ville de Johannesburg, dont le township Soweto était devenu le symbole de la résistance noire contre l'apartheid. Bien que bannie par le gouvernement sud-africain à l'époque, la chanson fut largement diffusée dans le pays et aussi dans le monde entier. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Fier. Et pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas. Vous qui ne connaissez pas les vertiges et le la peur, vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom. Parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Tu me fais tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Tu m'as fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il m'a fait Indila sur Vivacité avec Tournée dans le vide. Et dans un instant, nous écouterons les Souliers Rouges en concert Vivacité dans le cadre des Franco de Spa du 20 au 23 juillet. Je vous rappelle que pour réserver aux places, c'est rtbf.be/ticket. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Mais avant ça, la météo des plages avec vous, Denis Collard, direction la Belgique tout d'abord, où les parasols seront remplacés par les parapluies ce mardi, Denis. Oui Stéphane, en fait le ciel reste bien sombre aujourd'hui sur notre littoral. On a une zone de pluie qui est passée plus au nord entre l'Angleterre et le Danemark et le nord des Pays-Bas. Et sur notre littoral, eh bien, subsistent pas mal de nuages et quelques bruines qui sont d'actualité. Elles sont chassées par un vent qui est modéré assez fort aujourd'hui. Un vent d'ouest qui s'est renforcé. On peut attendre et craindre des rafales jusqu'à 50 km à l'heure. Donc des conditions qui ne seront pas optimales, loin s'en faut. 19 degrés sur la plage et 16 degrés dans l'eau. Et comme Chantal de Gerpine, n'hésitez pas à demander la météo des plages de vos vacances par SMS au 3063. Chantal et son mari s'envolent demain à Beaulieu-sur-Mer entre Nice et Monaco, près de Saint-Jean-Cap-Ferrat. À quel temps doit-elle s'attendre le long de la Côte d'Azur, Denis? Ah, on a perdu la liaison avec, avec Denis. On va essayer de se reconnecter immédiatement. Denis qui est dans un autre studio. Donc voilà. Denis, à quel temps doit-elle s'attendre, Chantal, avec son mari le long de la Côte d'Azur?

enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Être nu, être con, être bon face à soi-même. Être un jour. Vivre ou ne pas vivre, les souliers rouges étaient sur Vivacité à 11h25. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Les stars en vacances, c'est sur Vivacité. Herbert Léonard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Vivacité, quel bonheur de vous parler aujourd'hui, comment allez-vous ? Oh bah écoutez fraîchement parce que ici du côté de Paris il fait pas très beau et il fait pas très chaud. Bon bah c'est les îles Britanniques qui nous envoient des petites périodes de pluie là en ce moment. En fait ils veulent sortir de l'Europe mais ils restent dedans avec leur température. C'est ça, s'ils pouvaient éviter de nous envoyer les passages pluvieux ce serait magnifique. Ça serait extraordinaire mais il paraît qu'à partir de demain tout ira mieux. Bon, est-ce qu'il y a des vacances de prévues pour vous cet été, Herbert ? Non, parce que généralement je suis très bien chez moi en été, du côté de Barbizon, de Fontainebleau. Mm-hmm. Quand je pars en vacances, c'est plutôt en hiver quand il fait chaud ailleurs. D'accord. Alors, s'il y avait une chanson qui représente le mieux l'été pour vous, autrement dit votre tube de l'été préféré, ce serait laquelle ? Le sud peut-être, le sud de Nino Ferrer. Le sud, pourquoi ? Ça vous évoque des paysages, des images ? D'abord je trouve que c'est une formidable chanson, c'est pour moi quelque chose de, une chanson absolument merveilleuse, et puis ensuite ça parle du sud. Effectivement. Quel a été votre meilleur souvenir de vacances ? Oh là là, alors là, comme ça, de façon tout à fait spontanée, oh, j'en ai certainement beaucoup. Je crois que j'ai passé des vacances extraordinaires la première fois où je suis parti à La Réunion et j'y suis retourné très très souvent, quoi. Êtes-vous plutôt... Alors, des souvenirs tout à fait spécifiques ne me viennent pas à l'idée tout de suite, là, comme ça. Mais vous auriez dû me poser la question bien plus tôt, ouais. J'y aurais réfléchi. La Réunion, mais c'est très bien, c'est bien, c'est du tac au tac. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel ? Ah, je suis plutôt hôtel, moi. Oui. Piscine, mer ou montagne ? Piscine. Je ne suis pas vraiment un très très grand amateur de la mer, ce qui paraît paradoxal quand on parle de La Réunion, mais La Réunion, il n'y a pas beaucoup de plages, il n'y en a qu'une seule, et il y a surtout de la montagne, et un volcan qui crache encore aujourd'hui, et j'aime beaucoup cette région justement pour cette diversité-là. La météo idéale pour vos vacances, c'est ? Plein soleil. Votre cocktail préféré ? Le cocktail, le caipirinha. Très bien. Votre plat préféré de l'été ? De l'été ? Oui. Oh, peut-être les rougets. J'adore les rougets, les pâtes aux rougets. J'adore. Alors, la glace, vous êtes plutôt fraise, vanille, chocolat ou un autre parfum ? Chocolat. Alors, est-ce que vous vous sentez en vacances chez vous à Paris ou est-ce qu'il y a un endroit en France où vous vous sentez vraiment en vacances ? Bah écoutez, moi personnellement, je n'habite pas à Paris. J'habite du côté de Fontainebleau, à peu près à 10 km de Paris au sud. Ouais. Je suis en pleine campagne et j'y suis très heureux, j'y habite depuis 35 ans. Mm-hmm. Je trouve que c'est une région super. Sinon, en France, j'aime beaucoup la région toulousaine, le Périgord et tout ça. Ok, ah, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses dans le Périgord. Oui, il y a des foie gras sauce périgourdine avec des capres, c'est une merveille. Oui, ça doit être délicieux, effectivement. Herbert Léonard, merci beaucoup d'avoir répondu au questionnaire des stars en vacances. On va rappeler un peu votre actualité. Votre double album, Mise à jour, fonctionne bien. C'est une compilation avec quelques inédits aussi. Oui, il y a pas mal d'inédits, il y a pas mal de duos avec des gens que j'aimais bien et qui sont pas des chanteurs ou des chanteuses de premier plan, mais sont des voix que j'adore, comme par exemple Gérard Rinaldi, qui hélas nous a quittés depuis, avec qui que j'ai connu toute ma vie dans ce métier et avec qui je n'avais jamais eu l'occasion de chanter. Je l'ai fait au cours d'une séance où on s'est retrouvés tous les deux dans le même studio et évidemment j'ai chanté avec lui en sachant très bien que en ne sachant pas qu'il allait décéder 6 ou 7 mois plus tard. Donc c'est une espèce de petite pépite que je me targue d'avoir enregistré avec lui avant sa mort, quoi. Ouais, et puis vous faites. Mais bon, il y a plein de choses, il y a une demi-douzaine de chansons tout à fait originales qui sont complètement inédites, qui n'ont jamais paru. Ouais, vous fêtez aussi vos 50 ans de présence dans un milieu que vous m'avez décrit tout à l'heure comme étant... Comme étant je ne sais pas, vous m'avez dit un truc. 50 ans de présence dans un milieu, dans la musique, quoi. Hein. Dans le show business, dans le monde cruel du show business. Voilà, c'est ça. C'est ça que vous m'aviez dit tout à l'heure. Bon, je vous rappelle maintenant. Bah, bon anniversaire, Herbert Léonard. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. On vous souhaite plein de bonheur pour cet été et beaucoup de succès pour votre double album qui s'appelle, je le rappelle, Mise à jour. À bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. De vacances sur Vivacité, bonne fin de matinée à toutes et à tous. C'était Wet Wet Wet, Love Is All Around. Il était vraiment très sympa, vous êtes très nombreux à réagir par rapport à Herbert Léonard. C'est vrai que c'est un artiste qui est très généreux et tout à l'heure nous appellerons Gilbert Montagnier. Ce sera vers midi 20, midi 25 sur Viva, restez là. Et elle aussi, je vais l'inviter à venir danser avec Gilbert. Caroline Gillet, bonjour. Oh oui, bonjour Stéphane. Alors, est-ce le sunlight des tropiques sur la route en ce moment? Pas vraiment. Aïe. Non, si quand même. Ça a été calme toute cette matinée et ça continue. Vous perdez tout au plus une dizaine de minutes. C'est vraiment le bouchon, on va dire, le plus important ce matin. C'est en circulation intérieure au titre Grand Bigard. Juste une dizaine de minutes dans la zone de chantier. Merci beaucoup Caroline, à tout à l'heure. À tout à l'heure Stéphane. Vous n'avez pas été agile à Binche ? Et tiens, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous rejoindrons Pierre Capard dans les coulisses du Tour de France. Ça y est, les coureurs sont dans la Loire après être passés par la Normandie. On en parle avec lui juste après Amir sur Viva. Voici J'ai cherché. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donner l'envie d'être moi. Donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans toujours classé dans le tip-top vivacité que vous retrouvez chaque samedi en intégralité entre 10h30 et 13h. C'était J'ai cherché. Tour de France 2015. Qui mène à ce peloton. Deuxième étape, dimanche 5 juillet, Utrecht, Zélande, 166 km. Et oui, après trois jours passés dans la Manche, en Normandie, les coureurs du Tour de France sont à présent dans la Loire avec une arrivée hier soir à Angers et un départ ce midi à Saumur. Le pays de Loire vibre donc au rythme de la grande boucle et parmi les nombreux spectateurs, un certain Olivier Laurent, imitateur belge, passionné de vélo. L'imitateur vit à Saumur depuis plusieurs années et il ne raterait pour rien au monde le Tour de France. Et comme l'a expliqué à Pierre Capard, c'est grâce au vélo en fait qu'il trouve son inspiration. Quand on partait le matin, quand on partait sur des chemins à bicyclette. Bon, le Tour de France, bah, c'est magique, quoi. Être ici, c'est à chaque année, je suis là parce que c'est une passion. Cette ambiance, ce bruit, l'adrénaline qui monte quand les coureurs arrivent, non, c'est magnifique. Une ambiance Tour de France, chaque année, il faut que je sois là. Et vous êtes un passionné de vélo. Passionné, puis je roule énormément. Je fais quand même entre 8 et 10 000 km par an. Donc c'est une vraie, vraie passion. Et voilà, j'ai la chance aussi de présenter pas mal d'équipes. Donc j'ai travaillé pour l'équipe Ethics Quickstep. Avec Patrick Lefebvre, qui est vraiment quelqu'un qui adore la chanson française. Michel Sardou, il connaît tout de Michel Sardou, donc c'est très très drôle. Donc oui, ce monde de vélo, je le connais très très bien. Et j'ai toujours hésité dans ma vie, soit être imitateur ou coureur cycliste. Imitateur cycliste aussi peut-être. Oui, et alors ça c'est très très drôle parce que ça m'arrive très souvent ça en fait, donc d'imiter sur mon vélo. Donc imaginez là que je suis en train de faire, en ce moment Christophe Maé, il est où le bonheur, il est où. Mais en roulant à vélo et les gens vous voient passer, ils disent quoi c'est fou parce qu'en plus j'ai un écouteur donc je me rends pas compte que je chante fort. Donc les gens vous regardent pour dire mais c'est quoi ce mec qui passe dans le village là, qui Où le bonheur, il est où? et donc voilà, donc, c'est sur Mauvais Dos que je travaille mes imitations, que là. Et l'inspiration vient comme ça? Exactement, exactement. Et c'est là que je réfléchis à la mise en scène, à ce qu'on pourra faire. Et je fais mon tour à vélo des 50 ou 100 km par jour. Et puis je sors mon vélo, je téléphone tout de suite à mon manager et tout ça. Et puis je dis, on va faire ça. Et voilà, c'est sur ce vélo que tout a été créé. Alors il y a des similitudes entre le métier de cycliste et d'artiste, d'imitateur? Ah, beaucoup de travail. Moi, c'est surtout parce que mon spectacle physiquement, il est vachement dur. Quand on me dit, oui, tu montes le Ventoux, oui, je monte le Ventoux. Ben, franchement, je vais dire un truc, quand je suis sur scène, physiquement, le Ventoux à côté, c'est la même chose. Le cœur qui bat, ça monte super fort. Et puis la chaleur, quand il fait 30 degrés, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, on a quand même du mal à avoir les 30 degrés, mais ils arrivent. Moi, je roule à vélo en plein cagnard. Mais les gens me disent, mais t'es complètement fou. Mais non, c'est ce que je ressens sur scène. Et c'est pour me préparer physiquement. C'est ce que mes gens me disent, mais comment tu fais pour tenir après un spectacle comme ça? Ben, c'est le vélo, c'est clair. Ce sont des artistes aussi, les coureurs? Ben, ce sont plus que des artistes, puis c'est des showmen maintenant. Moi, j'adore Sagan, vous avez le look de Sagan, c'est pour moi, c'est pour un coureur cycliste, quoi. C'est un mec qui amène un peu de fun. C'est devenu un star system, quoi. Ils soignent aussi un petit peu leur look. Eh ben, tant mieux. Alors, vous imitez les chanteurs, mais les sportifs aussi, quelques coureurs aussi? Ouais, ben, moi, j'adore imiter les coureurs. En général, les coureurs flamands, après une course, c'est extraordinaire. Quand tu vois Gérard Rolls. Alors, nous sommes ici avec Tom Bonen. Tom Bonen, bonjour, comment allez-vous? Allez, je crois que c'était une bonne course, mais allez, pédale sous 30 mètres. Et le mec, il a rien compris, évidemment. Et c'est drôle de voir ça. Il y a Richard Virenc. Ben, c'est sûr que Richard Virenc, ben, il parle toujours comme ça, quoi. Il n'a pas changé. Donc voilà, donc oui, j'adore le cyclisme. À l'époque, il y avait la voix de Daniel Mangias, qui est un pote. On a fait pas mal de spectacles. C'est la voix du Tour. Et moi, ça me fait toujours rire quand il présente mes spectacles. J'ai l'impression que je vais gagner le Tour de France. Et c'est super sympa. Et dans un instant, eh bien, nous connecterons aussi avec l'équipe du Tour en direct. Ce sera tout à l'heure, même sur le coup de 12h30 sur Vivacité. Voici une magnifique chanson, Lana Del Rey, issue de l'album Born to Die. C'est Video Game pour vous dans un air de vacances. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven.

L'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info viewallonne.be. Une initiative du service culture de la province de Liège. Avec le journal Le Soir et Vivacité. Vivacité présente Utopia, le monde aux enfants. Découvrez cet été une immense plaine de jeux avec un toboggan de 30 mètres de long, un nouveau parcours équilibre, des structures gonflables et des activités inédites sur les trucs bizarres et un peu cracra du corps humain. Programme spécial pour les groupes avec la Loterie Nationale et la Province de Luxembourg. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. C'est la grille d'été depuis hier sur Vivacité, 13h-15h, ce sera l'été du bon côté avec Émilie de Kegel et puis Marc Vernon dans Vivre ici entre 15 et 17h. Comment bien choisir sa crème solaire? C'est la question qu'il faut absolument se poser car on en aura certainement besoin pour les prochains jours. Pour notre plus grand plaisir, Aurore nous donne quelques pistes. Si vous ne voulez pas chanter la chanson des écrevisses cet été, quelques conseils s'imposent. D'abord, il faut se décider. Et oui, choisir, c'est renoncer. Se décider entre la version crème et le spray, ce sera surtout une question de goût. Ensuite, il faut connaître votre phototype de peau. En d'autres termes, comment votre peau réagit face au soleil. Il y en a 6 et cela déterminera votre indice de protection IP sur les emballages, aussi appelé FPS pour facteur de protection solaire. Ce qui est pratique en plus, c'est que ces indices sont les mêmes partout dans le monde. Aucune conversion à faire. Ouf, c'est pas le cas pour tout, donc on respire. Et puis il faut savoir quel type d'activité vous allez faire. Si vous faites de la haute montagne, vous choisirez un indice encore plus élevé que si vous faites bêtement la crêpe sur la plage. Enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne sais pas si les crêpes sont bêtes ou pas. On commence donc avec votre phototype. Cela va de 1, les peaux les plus sensibles, les cheveux et les yeux clairs, coup de soleil assuré et aucun bronzage en vue, même un lavabo ferait mieux. On choisit alors un indice 60. Le phototype 2, c'est à peu près la même chose, mais là, on a une toute petite, mais toute petite chance de bronzer un jour. On choisit alors un indice 40 pour la peau et 60 pour les taches de rousseur. On passe au phototype 3. Peau claire, cheveux blonds ou châtains, on bronze parfois, mais on a aussi des coups de soleil. Là, on opte pour un indice 30. Et puis, le phototype 4 pour les peaux mates qui bronzent bien, mais qui ne sont pas à l'abri d'un coup de soleil. Là, c'est l'indice 20 qu'il faut choisir. Ceux qui n'ont jamais de coup de soleil ou presque, les vénards, sont du phototype 5 et ont besoin d'un indice de 10 à 15. Et puis enfin, dernier phototype, le 6 pour les peaux noires, avec un indice en dessous de 10. Attention, ces données sont valables pour les adultes. Pour les petits, on choisira d'office un indice de minimum 50 et on protégera bien les zones sensibles comme les épaules en gardant un t-shirt avec des petites manches. On rappellera enfin que toutes les crèmes solaires, peu importe l'indice, doivent être appliquées toutes les heures et réappliquées après un petit plongeon dans la mer ou la piscine, même pour une crème waterproof. la musique que vous aimez, c'est sur Vivacité avec OMD et No Lagay. Des soldes, il y en a partout. Mais il y a soldes et soldes. Et chez Falzone, vous trouverez du carrelage et du sanitaire soldé. De quoi craquer sans culpabilité. Carrelage Falzone. Notre expérience fait la différence. Carrelage Falzone, rue de Mangombrou à Verviers et nouveau showroom de 2000 m², avenue Georges Truffaut à Liège, ancien magasin Massive. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Des voyages extraordinaires où les couleurs, les matières et les idées vous emportent loin. Il y a des soldes qu'on ne louperait pour rien au monde. Il y a Imagine, près de chez vous, à Neupré. Des soldes sur l'ameublement qui valent vraiment le voyage. C'est chez Imagine, 132 route du Condroit à Neupré, ouvert même le dimanche. www.imagine.be. Allez, prêt pour un marathon de soldes ? Chez Decathlon et sur decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Décathlon, à fond la forme. Bon appétit, Vivacité, il est midi. Toute l'actualité avec vous, Marianne Brillot. Bonjour à tous, on attend l'épilogue dans le procès de la cellule terroriste de Verviers, une cellule démantelée en janvier 2015. On connaîtra le jugement aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le ministère public, le procureur fédéral a réclamé des peines de 10 à 18 années de prison pour les quatre principaux prévenus. La criminalité est au plus bas dans notre pays depuis 15 ans sur base des chiffres de 2015, moins 8% pour les délits criminels. La menace terroriste et la présence beaucoup plus importante des militaires en rue peuvent en partie expliquer cette diminution. Les plus fortes baisses concernent les vols de voitures et les vols à la tire. Un bémol, le commerce des armes, le trafic des armes qui a bondi de 50%, en hausse également la fraude sur Internet. Ce constat, il n'est pas neuf. Le Belge consomme trop, beaucoup trop d'antibiotiques, trois fois plus que nos voisins néerlandais par exemple. Et malgré les très nombreuses campagnes de sensibilisation menées ces dernières années pour dissuader la consommation d'antibiotiques. Paul Tulkens est professeur, chercheur à l'université de Louvain. Il a participé à la dernière étude sur cette surconsommation. Il pointe trois raisons à cela. Le fait que le médecin a souvent une insuffisance de diagnostic. Il n'est pas certain que ce soit une bactérie, il n'est pas certain du risque que l'infection peut causer. Et donc maintenant, nous avons tendance en Belgique à protéger le patient, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais peut-être à le protéger au-delà de ce qu'il est nécessaire de faire. Un deuxième élément, c'est qu'en Belgique, nous avons la possibilité pour les patients d'aller d'un médecin à l'autre, et donc il s'établit assez rapidement une situation dans laquelle le médecin se dit « si je ne prescris pas, eh bien le patient va aller ailleurs ». Alors la troisième raison qui est aussi importante à considérer, c'est qu'en Belgique, il y a une pression, disons, importante pour que le patient retourne au travail. En Hollande, on acceptera davantage qu'un patient soit absent pendant 5-6 jours parce qu'il a une grippe, qui ne demande pas d'antibiotiques, mais c'est le temps nécessaire pour qu'il soit remis complètement de sa maladie. Et nous avons tendance en Belgique à, au contraire, favoriser ou même soutenir, si on peut dire, le retour rapide du patient au travail. Des propos recueillis par Lionel Denebourg. Le peloton est parti il y a moins d'une demi-heure maintenant pour la plus longue étape du Tour de France. C'est la quatrième entre Saumur et Limoges. 237 km au programme. Peter Sagan, le Slovaque, est toujours en jaune. Premier direct avec notre envoyé spécial Samuel Grulois dans le journal de 13h. Et puis c'est demain que se jouera la première demi-finale à l'Euro de football entre le Portugal et le Pays de Galles. Un joueur gallois, le milieu de terrain barbu Joe Ledley a été obligé de reporter son mariage prévu samedi à Ibiza. Ce n'est pas qu'il croit dur comme fer à la qualification de son équipe pour la finale de dimanche, mais le joueur ne veut en aucun cas manquer les festivités prévues vendredi à Cardiff pour honorer les Dragons à leur retour en cas d'élimination. Et puis un autre joueur gallois, Chris Gunter, lui, devait être témoin mercredi au mariage de son frère au Mexique. Il le sera par Skype. RCBF Mobile Info, on voit comment ça roule ce midi avec Caroline Gillet. Encore quelques petits ralentissements sur le ring de Bruxelles. Circulation intérieure, vous perdez une dizaine de minutes entre Bercelles et Forêt dans la zone de chantier. Des déchets de pneus à signaler sur le 411 Namur-Arlon à hauteur de Lavaux-Sainte-Anne. Ils sont en voie de droite en direction d'Arlon. Et puis le Velpier nous a signalé un radar, toujours sur cette 411, pardon, Bruxelles-Luxembourg. C'est entre Dossou et Loyers en direction du Luxembourg. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be.

Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hello, c'est Delta. Retrouvez-nous sur la scène du Beau Vélo de Ravel du Pays ce samedi 9 juillet. Bastien Baker et la bande à Lolo seront à nos côtés et on vous promet un beau moment de musique. On vous attend en pleine forme à samedi, les amis. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel ce samedi 9 juillet à Oupay. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus. Chaque jour est un jour de chance. Et vous, vous êtes déjà passé chez Casa ? Tous les articles soldés, jusqu'à moins 70%. Premier arrivé, premier servi. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Un air de vacances sur Vivacité avec La Vie en Rose, Grace Jones. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Les stars en vacances avec Gilbert Montagnier en direct par téléphone. Bonjour Gilbert. Évidemment, Stéphane, en direct par téléphone. Oh, tu sais, je vais m'amuser parce que j'écoutais avant qu'on me donne l'antenne et j'entendais la Grace Jones. Oui. Elle faisait mon cœur qui. Et elle a pris sa respiration pour vraiment pouvoir faire le bas. Si tu le remets, tu vas voir, c'est extraordinaire ce truc-là. On va j'avais le remettre immédiatement. Tu sais, juste à la fin, c'est marrant, j'avais jamais remarqué ça. Et pour qu'elle ait la note, tu vois, pour qu'elle puisse tenir la note, elle aurait pas dû respirer entre qui et bas. Bon. C'est pas bien. Voilà, juste avant. Pas de chance. Juste avant, rien. Il y a Sylvain, notre réalisateur, qui transpire, là, Gilbert, hein, je vous le dis. Voilà. Bon, ben ça fait rien, hein. En tout cas, c'était Grace Jones. Voilà. C'était la Grace Jones. Donc, mon Stéphane. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous, Gilbert Montagnier? La chanson que présente. Moi, je dirais. Bon, moi, je suis assez anglo-saxon, hein. C'est plutôt. Ça serait un truc comme. Un truc de Cool and the Gang, par exemple. Fresh. Ouais, c'est bien ça. D'accord. Ouais. En parlant de Cool and the Gang, ça va voir quand même un petit peu. Vous savez que je suis en train de tourner le deuxième Star 80. Oui, tout à fait. Et on est en train de s'amuser beaucoup. Et je fais des trucs encore plus dingues que dans le premier. Donc, je serais très heureux de pouvoir vous dire ça. Ça sortira en avril et mai. Et évidemment qu'on viendra faire la promotion en Belgique. Et donc, là, vous êtes en plein tournage, si je comprends bien. Oui. D'accord. Quel a été votre meilleur souvenir de vacances? Ah, c'est bien comme question. C'est mon meilleur souvenir de vacances. C'est assez pittoresque. C'est les premières fois qu'on allait en Espagne, parce que nous, moi, je viens d'un milieu, on n'avait pas d'argent, hein. Donc on n'avait pas de voiture. Et puis à un moment donné, on a eu une voiture quand j'avais 15 ans, un truc comme ça. Mais imaginez. Quand on allait en Espagne de France, à cette époque-là, il n'y avait pas d'autoroute, quoi. Il n'y avait que les nationales. Les nationales pourries, avec des virages monstrueux. Et puis, à un moment donné, on est arrivé dans un village et la voiture, malencontreusement, on a écrasé un tuyau, mais un tuyau très important pour le village, un tuyau d'eau. Ouais. Et donc, il y avait un geyser qui est devant la voiture, donc le village a été privé d'eau pendant quelques heures. C'est pas parce que c'est un meilleur souvenir, mais c'était marrant quand même. C'était peut-être un de vos pires souvenirs alors dans ce cas-là, en tout cas pour les habitants du village. Oui, mais moi ça m'a amusé quand même. Piscine, mer ou montagne? Moi j'adore la mer, mais c'est vrai que l'été, plutôt dans ma maison, dans le centre de la France, où là j'ai une piscine et je suis tranquille. C'est difficile pour moi en été. Et au bord de la piscine, votre cocktail préféré Alors, cocktail préféré, une vraie pina colada. Ouais. Et pourquoi il y a des fausses pina colada? Oui, parce que quand vous allez dans les hôtels, des trucs, ils vous mettent un mix. Un truc qui est déjà fait, quoi. Ah oui, forcément. Et qui n'est pas bon du tout. Il faut le faire avec de vrais produits, hein, c'est important. Bon, et votre plat préféré? Votre plat préféré de l'été, avec le verre d'eau? Avec le verre d'eau. Moi, j'aime bien les barbecues. Oui, tout ce qui est grillé. J'aime bien les barbecues. Alors, soit une bonne viande sur le barbecue, ou même un loup, par exemple. Un loup, voilà. Un loup de mer grillé, comme ça, c'est sympa. Et la glace, c'est plutôt vanille, fraise, chocolat, un autre goût? C'est plutôt vanille, c'est la bonne vanille bourbon. Moi, je suis attaché au bon produit. Ouais. Alors, il vaut mieux pas manger de glace si c'est pas une bonne glace, quoi. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances, chez vous, en France? Dans ma maison, dans le centre de la France. Je suis plus tranquille là. On peut pas, vous comprenez? Quand on est public, c'est un peu difficile d'aller dans des endroits, sur les plages et tout ça, parce que c'est pas... Il y a beaucoup de monde, quoi, je veux dire. J'adore le monde, mais pour mes concerts. Mais d'ailleurs, au fait, je vais être... Mais oui, il y a Michel qui nous a envoyé un mail. Michel Genet, je viens d'entendre que Gilbert Montagnier allait se trouver en direct dans votre émission. Pourriez-vous annoncer qu'il sera la vedette des fêtes de Wallonie à Serein le 3 septembre prochain, s'il vous plaît? C'est marrant, j'allais en parler. Et ben voilà. Le 3 septembre, je suis chez vous. J'adore être en Belgique. Ouais, vous connaissez bien la région liégeoise? Oui, je connais bien la Belgique en général, je pense. Hein, quand vous êtes surpris en France, vous dites quoi, vous? Quand je suis? Surpris. Je suis surpris en France. Oui. Vous dites « waouh », vous dites « ouh ». Ouais, je dis « waouh ». Eh ben, à Liège, quand on est surpris, on dit « oufti ». Oufti. Oui, je vous promets. Et ça, c'est pas une blague. Ça, hein. Je passerai. Hein. Avec un petit accent, « oufti ». Oufti. Oufti. Ah, oufti. Ah, j'aime bien les gaufres à Liège. C'est clair. C'est clair. Il y a aussi les boulets sauce lapin à Liège. Hein. Il faut absolument goûter ça, hein, avec les frites. Ah, bon, j'avais jamais goûté ça. C'est délicieux. C'est comment ça? C'est des boulets avec des recettes qui sont ancestrales et secrètes. On cuit tout ça dans une grande marmite longtemps à l'avance, etc. Avec une sauce avec du sirop de Liège, justement. C'est un concentré de pommes, de poires, des produits du verger du plateau de Herve, avec une bonne salade, la mayonnaise. Et puis avec ça, vous buvez une bonne bière aussi. Hein. Bah oui, bien sûr. Mais les boulets, ils sont faits comment? Sous les aisselles, non, je plaisante, mais justement, c'est secret. C'est avec du haché, mais c'est secret. Honnêtement, j'ai toujours demandé aux restaurateurs les plus connus qui fabriquent ces boulets la recette, mais voilà, chacun y va de sa petite recette. Je vais goûter ça. Il faut absolument. Eh ben, on se réjouit de vous voir sur scène le 3 septembre, Gilbert Montagnier. Merci beaucoup d'avoir été là. Et dans un instant, on va s'intéresser au Tour de France sur Vivacité. À bientôt, Gilbert. Ok, je vous embrasse tous. Au revoir. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Coucou, c'est moi, Hip. Vous voulez profiter de votre terrasse pour un prix vraiment vert? Recevez maintenant, bam, 50% de réduction sur tous les meubles de jardin de votre hypermarché Carrefour. Action valable jusqu'à épuisement du stock. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Le carrelage, c'est Caro. Pendant tout le mois de juillet, Caro propose un grand choix de qualité, les meilleurs conseils et des prix incroyables. Vous voulez des conditions attractives pour lancer vos projets d'aménagement intérieur et extérieur? Pour le carrelage à prix soldé, foncez chez Caro. Le carrelage, c'est Caro. Caro, rue des Français, 239 à Ans, parking Miézé à l'arrière du bâtiment. Pour vos travaux d'été, Méribois vous gâte. Offre immanquable en juillet et en août. Moins 30% sur les bardages Eternit Cédral Siding. Moins 30%. Méribois à Liège, 375 rue Saint-Léonard est ouvert tout l'été. Méribois à Tilf, 20 allées des artisans est fermé du 17 au 31 juillet. Un choix comme ça, c'est Méribois. Méribois, le bois mérite un spécialiste. Méri-bois.com. My Love Vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Solde, solde monstre au meuble Mailleux. Et avec toute mon équipe, je m'y engage. Robert le dit, le fait et s'y engage. Vivacité et la Une présente du 10 juin au 10 juillet. Toutes les rencontres des Diables Rouges sur écran géant au Standard de Liège à Sclessin. Un stade mythique, 10 000 places debout, en plein air, animation DJ, écran géant de 40 mètres carrés, grand parking et animations diverses. Plus d'infos sur la page Facebook Eurocafé 2016 avec Circus, Ergo et la Meuse. Tour de France 2015. Deuxième étape, dimanche 5 juillet, Utrecht, Zélande, 166 km. Après l'amour made in Normandie, direction Saumur, nous sommes dans la Loire, il y a de beaux châteaux là-bas. On vous retrouve Samuel Grulois, bonjour. Bonjour Stéphane, et que ça fait du bien de revoir le soleil sur la route du Tour. Le soleil, le petit vent, le bermuda, le t-shirt, voire pour certains confrères, ce n'est pas mon cas, mais pour certains confrères, les tongs, tout cela donne un petit air de vacances. Hein, c'est comme, ah oui. J'allais vous le dire, mais non, nous ne sommes pas en vacances, je tiens à le préciser, et je n'ai pas les tongs en ce qui me concerne, mais effectivement ça donne un petit air de vacances à ce Tour de France, c'est d'ailleurs le nom de votre émission. On a quand même l'impression que le Tour commence vraiment aujourd'hui, parce que le soleil fait partie du Tour dans l'imaginaire collectif, hein, du moins c'est la Madeleine de Proust, le soleil, les cyclistes, le Tour de France. Et donc on salue le retour du soleil ce mardi entre Saumur en Maine-et-Loire, où le départ a été donné à 11h30 précise, et Limoges en Haute-Vienne, la ville de la porcelaine, certes, mais aussi la ville du sympathique Luc Leblanc, champion du monde en 1994 et porteur du maillot jaune en 1991. Pour l'anecdote, il avait à l'époque offert son maillot à son idole Raymond Poulidor, Poupou, lui aussi originaire du Limousin et qui n'a jamais porté, comme on le sait, la précieuse tunique jaune de la Grande Boucle. On peut encore s'attendre. Mais ça, c'était de la faute d'Eddy Merckx, hein, clairement. En partie. Mais il a eu une telle longévité longévité Poulidor, qu'il a eu d'autres adversaires qu'Eddy Merckx. C'est son dernier podium, c'était en 1976. Il y a 40 ans, il avait terminé 3e Poulidor. Et qui avait terminé 1er cette année-là, Stéphane? Ouh là là, 1976, mais j'étais pas né, moi, cette année-là. C'était un Belge, le dernier Belge à avoir remporté le Tour de France, Lucien Van Impe. Donc après que Merckx l'ait privé de quelques succès sur le Tour, Lucien Van Impe, un autre Belge, a aussi privé Raymond Poulidor d'un succès sur le Tour de France. Et je vous le dis, on peut s'attendre comme hier à un sprint massif. Et comme hier, il faudra un bon mixte de puissance, d'explosivité pour s'imposer à Limoges, au bout de l'avenue Georges Dumas. C'est une très longue ligne droite de 1300 mètres en faux plein montant. Et on peut donc s'attendre à un sprint impressionnant et à un match serré comme hier. C'était très serré, ça s'est joué à 2 minutes. À deux chevaux, ouais, c'est ça. Entre Cavendish et Greipel, Coquart et tous les autres, parce que demain ce sera la montagne, le Cantal, le Lioran, et les sprinteurs savent pertinemment bien qu'ils ont aujourd'hui une dernière possibilité de s'illustrer avant de souffrir en ce qui les concerne. Merci beaucoup Samuel Grulois, on vous retrouve bien sûr plus tard en direct sur Vivacité pour nous faire vivre le Tour de France. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Vous avez un peu soif de musique, ça tombe bien, on va vous désaltérer avec le groupe Delta, voici Héréditaire sur Vivacité. Tu te méfies de moi, de ma façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire, la même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Parce qu'on est tous un peu pareils, on se ressemble à des choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. Parce qu'on ne s'aime pas. Qu'il soit celui qu'on chuchote ou celui que l'on crie, que ce soit son nom qu'il le porte ou qu'il crève anonyme, qu'il soit de ceux qu'on acclame ou de ceux qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme, qu'il s'éteigne seul dans le noir. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. On est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. Sugar and spice. I feel nice. That sugar and spice. I feel nice. The sugar is fine. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, the sugar and spice. I feel nice, the sugar and spice. Sérieux, on n'est pas en vacances là vraiment, hein? Avec James Brown, I got you, I feel good. J'espère que tout va bien pour vous en ce temps de midi, il est midi 40. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et en prélude à l'étape du beau vélo de Ravel de ce samedi à Oupeil, qui vous offrira la possibilité de visiter la région par le biais de votre bicyclette, nous retrouvons Adrien Jovenot pour nous parler du Trilogie Port de Liège, un endroit par lequel la balade passera ce samedi 9 juillet. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les mardis midi, nous accueillons Alice Gobier du service public de Wallonie. Là, on va parler de la balade de ce week-end qui passera au cœur du Trilogie Port. C'est un endroit qui est intimement lié au Ravel, Alice. Ben oui, bonjour Adrien. Le Trilogie Port, c'est un projet titanesque dont on peut vraiment tirer une grande fierté. C'est non seulement le premier port intérieur belge, mais aussi le troisième port intérieur d'Europe. C'est un projet qui est né de la volonté du port autonome de Liège de créer un redéploiement économique de la région liégeoise. Alors, il est soutenu par toute une série de communes, Yavizé, Herstal, Oupeil, ainsi qu'évidemment l'ensemble des acteurs économiques liégeois. C'est vraiment un atout considérable pour redynamiser toute la région de la Basse-Meuse et plus encore l'entièreté de la région liégeoise. Alors pourquoi ce nom particulier, Trilogie Port? C'est écrit, il y a trois lits ou une trilogie ou non, c'est un peu ça. Donc déjà, il y a trois accès à la mer via Anvers, Rotterdam et Dunkerque, mais aussi trois marchés transfrontaliers puisqu'on relie la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, et surtout trois modes de transport, l'eau, le rail et la route. C'est joli ça, le Trilogie Port. Vous pourrez le voir samedi avec nous sur le beau vélo. Il y a un rapport avec le Ravel, évidemment. Oui, le Ravel a vraiment été entièrement intégré au projet de réalisation du Trilogie Port. Le résultat est vraiment réussi car on dit souvent que c'est un des plus beaux Ravel de Wallonie, tellement beau d'ailleurs qu'on a décidé récemment que l'itinéraire de la Meuse à vélo qui ne passe pas par le Trilogie Port allait être détourné pour que les gens qui empruntent cette portion du Ravel puissent désormais aller plus facilement dessus. Donc on va changer toute la signalétique en ce sens l'année prochaine. Et vous avez raison, ça vaut le détour. Le Trilogie Port, c'est une magnifique réalisation des voies hydrauliques. On dit souvent aussi que le Ravel aide à faire découvrir le patrimoine hydraulique de nos régions. Oui, c'est évident. Les voies d'eau de Wallonie, elles comptent beaucoup de ponts et d'ouvrages d'art, dont certains sont vraiment tout à fait remarquables, comme les ascenseurs hydrauliques du canal du Centre, qui sont classés au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Alors, les voies d'eau sont également jalonnées d'un riche patrimoine immobilier, ce qui permet de montrer l'évolution, par exemple, des métiers d'éclusier ou de batelier, mais aussi de voir comment l'économie locale s'est bâtie au cours de ces cours d'eau avec les forges, les moulins à eau ou encore les scieries. Donc voilà, le Ravel reste un des meilleurs moyens de découvrir ces superbes réalisations wallonnes. Et on pourra voir ça de nos yeux et vous allez en prendre plein les mirettes. Hein. Je vous garantis une superbe balade ce samedi 9 juillet au départ du château Cursus à Oupeil vers le Trilogie Port. Merci beaucoup Adrien. Et puis pour toutes les infos sur le beau vélo de Ravel, rendez-vous sur le site internet vivacité.be. Vous pouvez même vous préinscrire. Il y a une chouette ambiance au beau vélo de Ravel hein, pour y avoir été à tourner. Je vous promets qu'on s'amuse vraiment bien. Si vous n'avez jamais fait ça, bah, il est grand temps de le découvrir parce que c'est vraiment super. Et en plus, on chante après avec les artistes, tout ça. C'était génial. Il y avait le grand Jojo, par exemple, à tourner. Et je pense qu'il reviendra aussi un petit peu plus tard dans le beau vélo de Ravel. Allez, renseignez-vous, vivacité.be. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Psst, chez Oz, vous savez que nous ne sommes pas du genre à afficher nos réductions en grand sur la vitrine du showroom. Alors je vous le dis juste à vous, Oz vous réserve des meubles stylés, de la literie de qualité à des conditions incroyables jusqu'à la fin du mois.

La beauté du geste, l'album de Gérald De Palmas avec le jour de nos fiançailles sur Vivacité. Il est déjà à 12h50. Et c'est le moment de faire le tour du monde des tubes de l'été, ceux qui fonctionnent le mieux dans les clubs de vacances à l'étranger et dans les hit parades essentiellement. Là, nous sommes en Irlande, numéro 2 de l'équivalent du Tip Top en Irlande. Bah, ça tombe bien puisque Kungs est également numéro 2 du Tip Top chez nous, le Tip Top Vivacité que vous retrouverez tout à l'heure entre 19 et 20 heures. On va prendre la direction du Luxembourg. C'est marrant, ils se sont pas qualifiés pour l'Euro, mais c'est David Guetta qui est numéro 1 là-bas. Direction de la Malaisie. Qui est numéro 1 en Malaisie? Eh bien, vous le connaissez car il est 24e du Tip Top. C'est Alan Walker et Felid. Et comme dirait Sylvain qui réalise cette émission, c'est Alan Walker, Texas Ranger. Emily de Kegel a ajouté oui, avec Chuck Norris. Si. Non, j'ai pas dit Chuck Norris, j'ai dit Chuck Norris. Ah oui, avec Chuck Norris. Ok, Chuck Norris. Bon, d'accord, mais il n'y a pas de faute dans les noms propres. Bon, dans un instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter de la musique et puis surtout, on va écouter la vie du bon côté, ou plutôt l'été du bon côté, avec Emily de Kegel qui, vous l'avez remarqué, est en train de s'installer dans le studio. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. When the sound of her language Elton John avec Sacrifice sur Vivacité. Et on va encore écouter un morceau de musique parce qu'on tenait absolument à le partager avec vous. C'est Tasmin Archer et Sleeping Satellite. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame this sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? The rush of the race, the reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that. L'après-midi, c'est peut-être l'heure de la sieste, mais pas quand c'est l'été du bon côté. Non, non, non, surtout pas, parce qu'on va parler des stages pour les enfants, comment les occuper pendant les 2 mois de vacances, Émilie. Ben oui, parce que ce sont les vacances qui ont démarré là depuis quelques jours. Vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes bloqué. Il y a des stages de sport, il y a des stages récréatifs, ludiques, il y a des camps scouts, il y a plein d'activités pour les enfants, les tout petits, les moyens, les grands, pour les enfants qui peuvent bouger, ceux qui peuvent moins facilement se déplacer. Les enfants de la trentaine aussi, peut-être. Ah, mais même ceux de 62 ans. Hein, pas de souci, venez nous en parler. Vous pouvez déjà nous envoyer un SMS au 3063 ou bien venir commenter la page Facebook de La Vie du Bon Côté. Nous serons ravis de vous accueillir dans l'émission jusqu'à 15h. Et à la Sainte Zoé, jeune Zoé, c'est le dicton du jour. Vous pouvez répéter ? À la Sainte Zoé, jeune Zoé. Voilà. Les Zoé sont des oies. Voilà. D'accord. Super, on est ravis. Allez, à demain. La Chimée Dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. Bonne journée à tous. Le ciel reste bien chargé avec de faibles pluies ou bruines qui sont présentes sur le nord et qui s'aventurent un petit peu sur le centre du pays. Plus au sud, c'est un temps plus sec, mais de toute façon, ces bruines ne sont pas très conséquentes en termes de quantité. Côté température, on devra se contenter de 16 à 19, voire localement 20 degrés, avec un vent qui se renforce cet après-midi de secteur ouest. La nuit prochaine, retour au calme. Demain, des nuages, des éclaircies, mais a priori, un temps sec, 17 à 21 degrés. Jeudi et vendredi, on va enfin apprécier des éclaircies et des températures en hausse. 18 à 23 degrés pour jeudi et de 19 à 24 pour vendredi. En télé sur la une. L'été de Devoir d'enquête. Une collection de documents inédits, des révélations exclusives, des témoins privilégiés. Parfois j'avais peur, je tremblais en décrochant le téléphone. Pour découvrir les dessous de l'actualité judiciaire, rendez-vous avec Devoir d'enquête chaque mercredi sur la Une. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité, il est 13h. La cellule terroriste de Verviers prévoyait de faire un attentat à l'aéroport de Zaventem dès 2015. Le procès de cette cellule de Verviers touche à sa fin. La lecture du jugement est en cours. En France, la commission d'enquête sur les attentats de Paris a remis son rapport. 40 propositions pour améliorer les services de renseignement, les interventions des pompiers ou des ambulanciers. A-t-on tiré des leçons ? Est-ce un catalogue de bonnes intentions ? Les associations des victimes sont partagées. Trop d'antibiotiques tuent l'antibiotique. Selon l'UCL, le Belge consomme trop ce genre de médicaments, des médicaments qui pourraient ne plus être efficaces. En cyclisme, dernière étape pour les sprinteurs avant la montagne au Tour de France aujourd'hui. Puis la plus grande course d'autostop du monde est partie de Bruxelles, direction Barcelone. Le journal de 13h avec vous, Simon Gérard, bonjour.